Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer, avant de commencer, préalable, dire quelques mots sur la manière dont je conçois ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire le lien entre les sciences sociales et le politique, la société en général, peut-être en disant des choses qui vont vous paraître naïves. D'abord, réagir sur ce que vient de dire et sur ce que fait Bernard Friot, ce qu'il a exposé et ce qu'il fait, qui peut paraître être la construction à partir d'un déjà là, d'une utopie ou de quelque chose qui n'est pas là, enfin, et qui pose question dans sa grande cohérence, mais qui me paraît avoir une utilité. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'utilise, de manière très pragmatique, comme une normativité, une manière d'imaginer un possible qui permet en retour d'interroger la réalité empirique, c'est-à-dire d'interroger ce qu'on voit, d'essayer de lui donner du sens par rapport à quelque chose qui est en partie déjà là et en partie pas encore là, qui sera sûrement jamais là, mais qui donne du sens et fait poser des questions sur les institutions telles qu'elles existent en réalité. Alors, c'est des choses qui peuvent paraître abstraites, mais qui ont des effets concrets extrêmement forts. Je pense, enfin, pour l'avoir vu de près, que l'alliance qui a permis ce qui apparaît aujourd'hui comme une victoire possible des intermittents du spectacle, une alliance entre la CGT et la coordination des intermittents et précaires, c'est largement faite sur des bases théoriques. Proche de ce que propose Bernard, et ça, alors qu'il y avait des forces de divergence extrêmement importantes entre ces deux acteurs historiques, et que voilà, la théorie peut permettre aussi ça, et que ça, c'est quelque chose d'assez précieux. Alors, pour terminer sur ce registre, et puis après j'arrête de parler de Bernard Friot et de moi, je parle des intermittents, malgré tout. J'ai une approche qui va se faire à un niveau assez différent et qui, pour le coup, bon, par la force des choses, c'est faite de manière beaucoup plus concrète. En particulier parce que simplement, je faisais partie des gens qui, à l'époque où c'était le constat d'un sociologue de cette maison qui dominait très largement sur les intermittents et qui a fait, lui, le socle, d'une certaine manière, théorique qui a permis au MEDEF et à la CFDT de construire un vrai discours contre les intermittents du spectacle. Je faisais partie des gens qui faisaient des tribunes, qui hurlaient contre les services de l'UNEDIC, qui hurlaient contre tel ou tel constat qui me paraissait aberrant, etc. Et il s'est trouvé que le député qui a eu en charge de faire la médiation a décidé en 2014 de mettre tout le monde autour d'une même table, et dont évidemment les scientifiques, les experts, enfin ceux qu'il appelait les experts, pour essayer de construire un constat commun. Et j'ai accepté, sans vraiment non plus réfléchir totalement aux conséquences de cette démarche-là pour un sociologue, socio-économiste, bon, et j'ai accepté, et malgré tout, ça m'a conduit à observer de très près. Alors évidemment, le pari politique, c'était de dire, bon, on va arrêter de faire des tribunes de presse, on va arrêter de se battre à l'extérieur, on va se battre à l'intérieur, puis ce sera comme ça, beaucoup plus sage. Bon, ça n'a pas totalement bien marché, mais enfin, parce que tout le monde parle aujourd'hui. Mais ça m'a permis de voir l'histoire telle qu'elle s'est faite depuis ces 2 années sur les intermittents du spectacle, et ça m'a permis donc de participer de très très près, comme expert, membre d'un comité d'experts désigné par le gouvernement, sous malgré tout le soutien assez pressant de la CIP, de la coordination des intermittents et précaires et de la CGT, de participer à un comité d'experts qui était chargé de deux choses, qui était chargé d'une part d'aider les négociateurs à construire un accord, ce qu'ils ont fait le 28 avril, puisqu'ils ont abouti au niveau de la branche à un accord qui a été signé à l'unanimité, donc par toutes les fédérations syndicales, y compris FO qui n'avait pas signé, y compris la CFDT, y compris la CGC, enfin tout le monde, avec leur employeur. Et donc j'ai vu ça de très près, et j'en ressors malgré tout avec quelques interrogations sur ce que c'est que faire des sciences sociales, et quelques interrogations sur ce que je faisais un peu avant, c'est-à-dire d'essayer d'interpréter de manière extrêmement carrée telle ou telle disposition de tel ou tel accord, etc. Parce que j'en sors aussi avec la conviction qu'entre trois macarons et deux verres de Chablis au ministère du Travail à 3h du matin, il peut se passer des choses. Et qu'il y a encore de l'action, de la négociation, et qu'il y a des détours, il y a des... l'histoire ne va pas que dans un... Je vous avais dit que c'était très, très naïf comme remarque, mais ça me paraît important d'avoir ça en tête, que l'histoire et que la politique, ce n'est pas une dissertation. Et que du coup, parfois, les sciences sociales ont tendance à disserter, mettre des concepts, expliquer pourquoi le gouvernement socialiste de Manuel Valls veut ça. Ben là, le gouvernement socialiste de Manuel Valls, malgré toutes ses inspirations, veut un accord qui est voulu par la coordination des intermittents et précaires, et il veut ce que veut la CGT, tout en luttant contre la CGT par ailleurs au niveau de la loi Khomri. Bon, tout ça fait partie de raisonnements strictement politiques, de rapports de force, de jeux extrêmement compliqués et de choses qu'il faut savoir aussi analyser. Et la dernière chose... Et les dénouements, c'est fonction de la quantité de chablis, ça nous expliquait. Ça peut aider. En tout cas, j'étais assez étonné par le taux d'alcoolémie de certains négociateurs à 3h du matin. Voilà. Donc, évidemment, ça peut aider à avoir quelques audaces par rapport à sa confédération, par rapport... Enfin bon, voilà. En tout cas, il se passe des choses. Je ne dis pas que... Ça, le chapitre explique ce qui se passe, mais je dis qu'il y a des pluralités possibles à 2h du matin et que ce qui se passe à 3h du matin, il aurait pu se passer autre chose. C'est tout ce que je dis. Et du coup, le fait de revenir a posteriori de manière extrêmement carrée en disant bah, y a les forces d'un côté capitaliste avec la CFDT, le MEDEF, de l'autre les forces anticapitalistes, etc., ça fait louper aussi, malgré tout, des éléments... important. En tout cas, j'en sors avec cette conviction qui est un peu, effectivement, naïve, mais qui me paraît importante à avoir en tête, parce qu'il y a des détours, parce qu'il n'y a pas une avancée sur un seul front, et qu'on a des choses qui se passent, qui peuvent être parfois extrêmement compliquées. Bon, je passe, et j'en viens à la question pour laquelle vous m'avez invité, qui en gros, si j'ai bien compris, est de savoir si les intermittents du spectacle et leur régime peut constituer un modèle, une alternative, et si oui, une alternative à quoi ? Bon, la première des réponses, c'est la raison qui m'a amené à travailler quand j'étais en Master 2, enfin, DEA à l'époque, sur les intermittents, c'est qu'effectivement, les intermittents ont un discours qui peut surprendre, qui m'avait surpris à l'époque, qui était de dire « nous ne voulons pas de CDI, nous ne désirons pas le plein emploi, nous... à la fois collectivement, le plein emploi de tous, et nous ne désirons pas non plus notre propre plein emploi. Et par conséquent, si on peut considérer que le CDI est peut-être envisagé pour certaines personnes qui y aspirent, ce n'est pas un discours totalement général. Et pour beaucoup d'entre nous, nous souhaitons avoir resté dans un modèle de CDD, d'usage et de voilà. Alors ça, c'est la première chose qui, effectivement, pour reprendre l'introduction de Michel Barthélémy, évidemment, heurte pas mal de nos prénotions, des mots qui structurent notre pensée a priori. Et d'une certaine manière, il me semble que là, on a, chez les intermittents, quelque chose qui est précieux, parce que ça nous aide à penser une prénotion qui est extrêmement partagée, qui est une construction... historique, qui est celle du plein emploi comme bien commun. Du plein emploi comme bien commun, car c'est un bien commun qui est partagé politiquement par tous, enfin, en tout cas par énormément d'acteurs qui sont extrêmement divers d'un point de vue politique, de la droite, de la gauche, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, qui au fond se mettent d'accord sur un point, de manière implicite et pas selon les mêmes modalités, mais sur l'idée que le bien qu'il a poursuivi, c'est le plein emploi. Et on a des promesses. Alors, je m'étais amusé à prendre toutes les promesses électorales en remontant de Chirac à Jospin, en nous expliquant que demain, le plein emploi arriverait. Sarkozy avait promis que ce serait fait en 5 ans. Chirac avait expliqué que tout devait être subordonné au plein emploi. Et finalement, cette idée-là, le plein emploi à tout prix, on la retrouve aussi de manière atteint son paroxysme avec Hollande, pour qui, finalement, il y a peu de choses qui ne sont pas subordonnées à cet objectif de plein emploi pour tous. Et il me semble que c'est cette question qu'interrogent les intermittents. En tout cas, c'est un des enjeux extrêmement forts des intermittents. Alors, pour essayer de faire le lien avec l'actualité, puisque c'était aussi un peu l'objet de la demande autour de la loi El Khomri, il me semble qu'on peut partir d'un constat simple, dont la loi El Khomri est le symptôme, c'est que, d'une part, le marché du travail, c'est assez commun de dire ça, est dualisé, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, il y a plusieurs versions, plusieurs théories, mais au fond, elles convergent sur l'idée qu'on a deux segments, un segment bien intégré, avec des CDI, de l'emploi stable, des mobilités qui peuvent se faire de CDI à CDI de manière relativement souple, et puis de l'autre, des chômeurs, des précaires restent dans ce segment. Et la réponse qui est consensuelle et qui est celle de la loi El Khomri, c'est au fond de dire qu'il faut lutter contre la segmentation du marché du travail. Il faut faire en sorte de rapprocher les situations et à la limite de faire tourner. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à résoudre le chômage, au moins, il faut que tout le monde porte sa croix et passe par le chômage. Alors, du coup, ça passe par une solution qui est très simple et qui a deux versants. Le premier versant, pour les stables, pour ceux qui ont des CDI, je dis les choses un peu rapidement, mais voilà. L'idée, c'était de flexibiliser le marché du travail, de flexibiliser les stables, de faire en sorte de les rapprocher des plus précaires. Et de l'autre côté, sur l'autre segment, on a un discours qui est assez incroyable dans la situation dans laquelle on est, qui consiste à dire qu'il ne faut surtout pas donner trop de droits aux précaires, il ne faut surtout pas donner trop de droits à tous ces intermittents de l'emploi, de peur qu'ils y restent. C'est la théorie de trappe à précarité qui est développée par les économistes en disant qu'il ne faut surtout pas, et pour le bien de ces précaires, donner trop de droits aux précaires, sans quoi ils vont rester coincés dans cette précarité et n'accéderont pas au seul bien possible, c'est-à-dire un emploi en CDI pour tous. Alors, ça c'est le Christian. La question, d'une certaine manière, la réponse qui est donnée va être donc du coup de déstabiliser les staffs, ça va être de taxer les mauvais patrons qui font du CDD, c'était quelque chose qui était perçu comme étant de gauche, qui consiste à dire pour lutter contre la précarité, luttons contre les précaires en partie et ceux qui font la précarité, c'est-à-dire les mauvais patrons. Sauf qu'évidemment, quand on regarde concrètement ce que ça signifie, cette proposition de lutter contre les mauvais patrons en créant une taxe spécifique sur les CDD, on voit qu'on est en réalité à l'opposé de ce qui a construit la sécurité sociale, c'est-à-dire la solidarité interprofessionnelle. C'est un raisonnement très pragmatique, parce qu'évidemment, tout le monde, y compris à gauche et pour toutes les confédérations syndicales, l'idée de taxer les mauvais patrons, ça fait mouche. Parce que moralement, c'est satisfaisant. Simplement, pragmatiquement et économiquement, qu'est-ce que ça donne? Je reprends des chiffrages qui avaient été faits par la Cour des comptes, qui disaient que ajouter une hausse d'un point de cotisation sur les CDD, en général, un point de cotisation supplémentaire pour les patrons, ça rapporte 250 millions d'euros. Le déficit actuel de l'assurance chômage, c'est 4,5 milliards d'euros. Donc si vous taxez une frange relativement réduite des contrats, peu importe que ce soit les employeurs ou les salariés qui payent, ça ne change rien. Si vous appuyez votre financement sur cette partie-là qui est faible, il va falloir taxer énormément pour arriver à un résultat qui serait très simple, auquel il serait très simple d'arriver en diluant la cotisation sur l'ensemble des salariés. Et c'est ce pari-là qu'a toujours fait la sécurité sociale en affirmant une solidarité interprofessionnelle. Un point d'augmentation des taux de cotisation sur l'ensemble des contrats, ça fait 5 milliards d'euros. 2 points, 10 milliards, 3 points, 15 milliards, etc. Donc vous voyez que la puissance de frappe d'une augmentation du taux de cotisation sur l'ensemble des salariés n'a rien à voir avec cette idée qui nous plaît, a priori moralement, de taper sur les mauvais patrons, ceux qui font des CDD, parce que simplement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'idée qui est derrière, c'est-à-dire la responsabilisation, le principe du pollueur-payeur, au fond, relève d'un imaginaire malgré tout libéral, de la responsabilité, chacun doit payer pour les pots qu'il casse lui-même, c'est d'une certaine manière moins pragmatique que la socialisation, la dilution du risque, d'un risque élevé sur l'ensemble du salariat, qui me paraît une vision beaucoup plus riche de promesses. En tout cas, qui permet de penser une sortie de situation dans laquelle nous nous trouvons sur le marché du travail, qui soit différente de celle d'une promesse de plein emploi auquel personne ne croit plus. Alors, je reviens sur ce dernier élément, c'est-à-dire sur, ce qui anime ces politiques, qui est cette croyance dans le plein emploi. On a une croyance dans le plein emploi qui devient une forme de fanatisme, une idole à laquelle on est prêt à sacrifier énormément de choses sans plus réfléchir aux conséquences des choix. Nous avons eu cette année à Nanterre un séminaire qui s'appelait « L'emploi à tout prix » et même finalement les auteurs les moins radicaux, on va dire, faisait ce constat que la seule chose qui intéressait aujourd'hui les responsables politiques, gouvernementaux, c'était des économistes qui nous racontaient ça, c'était le compteur à emploi. Combien ça va faire d'emploi ? La question même du coût en argent public de la création de ces emplois n'était pas posée. C'est-à-dire que c'est ces chercheurs-là donc Palier, Zemmour et Carbonnier, qui posaient la question à un moment donné de combien ça coûte de créer un emploi d'aide ménagère, par exemple. Ils en arrivaient à des constats qui sont absolument délirants, c'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles créer un emploi d'une aide ménagère, ça peut coûter quelque chose comme 100 000 euros d'argent public. Donc ce n'est pas que la femme de ménage touche 100 000 euros, c'est que la politique coûte 100 000 euros de recettes fiscales pour créer un emploi de femme de ménage. Donc on voit cette idée de l'emploi à tout prix qui apparaît comme quelque chose auquel on est prêt à tout sacrifier. Bon, je ne fais pas la liste, mais finalement, ce plein emploi, on est prêt à y sacrifier beaucoup de choses, non seulement de l'argent public, on est prêt à y sacrifier la protection sociale, à qui on demande d'activer les chômeurs, on est prêt à y sacrifier certaines parties de la jeunesse, à qui on demande d'être employable, c'est-à-dire d'être job ready, donc d'être capable de prendre un emploi en permanence et à qui on renvoie la responsabilité de ne pas être employable, etc. etc. Bon, on pourrait faire une très longue liste, ça a été l'objet de ce séminaire. Je m'arrête là pour dire que finalement, la force des intermittents, c'est de poser la question de l'alternative à cette politique de plein emploi et cette promesse de plein emploi qui est faite à l'ensemble des précaires. Alors, les intermittents, ils sont 100 000 personnes, 100 000 salariés, c'est pas grand-chose. Mais les intermittents de l'emploi, ceux qui alternent, ceux qui sont dans l'emploi discontinu, ils sont beaucoup plus nombreux. Alors, à titre juste, et ils sont de plus en plus nombreux, à titre juste d'illustration, pour vous donner un petit chiffre, entre 1996 et aujourd'hui, Les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs de catégorie A, c'est ceux qui sont pleinement au chômage, c'est ceux qui n'ont pas travaillé une heure dans le mois considéré. Ils sont passés de 3,2 millions à 3,6 millions. Donc on a un chômage de masse qui s'est globalement maintenu, qui a augmenté de 14%. Dans le même temps, entre 1996 et aujourd'hui, les chômeurs de catégorie B et C, qui sont une figure extrêmement particulière du chômage, qui sont à la fois en emploi et au chômage, qui travaillent et touchent des indemnités, qui travaillent et sont au chômage, ils sont passés de 600 millions, de 600 000, de 600 000, de 0,6 millions, à 1,8 million de personnes. Autrement dit, les chômeurs de catégorie A ont augmenté de 14%, pendant que les chômeurs de catégorie B et C, ces intermittents de l'emploi, ont augmenté de 200% entre 1996 et aujourd'hui, donc en 20 ans. Donc on a un phénomène contemporain qui est majeur et auquel, finalement, on n'apporte que des réponses extrêmement timides. Alors, en quoi les intermittents et la stratégie des intermittents peut être intéressante pour cette frange du salariat à l'emploi discontinu? La première chose, c'est que historiquement, les intermittents ont échappé très largement à la construction de l'emploi, à la construction de cette stabilisation de l'emploi, à cette stabilisation, cette cristallisation de la figure du chômeur telle que l'avait analysé Christian Topalov notamment. Ils ont échappé à ça. Ça a été une exception historique dont tout le monde se foutait pendant un siècle. C'est-à-dire que eux, ils sont restés, le CDD notamment, est resté l'usage. Donc d'où la reprise dans le droit du terme de CDD d'usage. Il est d'usage constant dans le spectacle d'avoir recours à des CDD. Ils ne sont pas sortis de cette affaire-là. Et la norme dans ce secteur, c'est le CDD, c'est pas le CDI. C'est la loi qui dit ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est dans le droit du travail, l'usage, c'est le CDD. Et donc, depuis toujours, en tout cas depuis le début du XXe siècle, les intermittents font cette expérience de la reconduction d'engagement ponctuel et cherchent des solutions à un dilemme qui se pose forcément, qui est de savoir comment on atteint une sécurité économique, comment on parvient à obtenir une continuité des ressources, du salaire, quand l'emploi, lui, est discontinu. Alors, je vous passe les solutions qui ont été trouvées dans le temps. J'ai écrit du coup un livre là-dessus qui retrace les trois grandes solutions, les trois grandes perspectives qui ont été trouvées au XXe siècle. En gros, un modèle anglo-saxon dans lequel on fait du closed shop, dans lequel on fait l'idéal, c'est un idéal de numerus clausus, pour créer la richesse, créons la rareté. D'accord ? Donc, on essaie de maîtriser le marché du travail pour être le moins nombreux possible, comme le font les taxis, pour arriver, malgré la discontinuité, malgré le caractère très libéral du fonctionnement du marché, à avoir suffisamment de revenus pour chacun. Première solution qui a duré jusqu'en 1936. Deuxième solution, c'était de dire il faut qu'on arrête avec l'instabilité de l'emploi, il faut qu'on se banalise, qu'on devienne comme les autres salariés et qu'on soit des salariés beaucoup plus stables. Et donc on revendique non seulement plus de production pour aller vers le plein emploi, mais aussi plus de reconnaissance en tant qu'emploi d'une certaine partie de nos activités qui sont faites à l'extérieur de la relation salariée. On veut faire payer nos répétitions, on veut faire reconnaître telle période comme relevant de l'emploi et la faire payer à nos employeurs, etc. Et ça dure en gros jusqu'à la convention unédique de 79. Et à partir de 79, on a ce modèle assez incroyable, qui est assez unique dans le monde, qui naît, c'est ce modèle des intermittents du spectacle, qui naît non pas d'une volonté, non pas de la création volontaire et consciente de la CGT, mais ça naît un peu du hasard, beaucoup du hasard, de la satisfaction de revendications qui ne visaient pas à créer un système comme ça, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le système d'assurance chômage pour les intermittents, les années 8 et 10 pour les intermittents, ça visait à couvrir les trous de carrière. Donc il n'y avait pas d'indemnisation entre des engagements ponctuels. Ce qui était indemnisé, c'était le gros trou. La grosse star, la grosse vedette, qui tout d'un coup, donc qui gagnait bien sa vie, et qui tout d'un coup, pendant une longue période, un an, admettons, se trouvait sans engagement. C'était ça ce qui était indemnisé jusqu'en 79. Mais en réduisant les paramètres, en changeant les paramètres, on en est arrivé à indemniser une toute autre figure du chômage qui était l'espace interstitiel entre des emplois ponctuels. Donc je vous passe le détail technique, mais c'est ça qui s'est passé en 79 sans que personne n'en ait eu conscience. Et petit à petit, les intermittents sont engouffrés dans cette brèche et ont commencé à défendre ce modèle qui s'est créé un peu de toutes pièces. Et à partir de la fin des années 80, à partir de 92, bien les intermittents manifestent plus que pour une chose, massivement, pour la défense de ce système. Donc c'est une ruse de l'histoire, c'est quelque chose qui n'est pas venu spontanément, mais qui ensuite a été défendu de manière extrêmement forte a posteriori par, par les intermittents. Alors, ce régime, bon, vous le connaissez dans les grandes lignes, il s'agit du coup d'articuler en permanence du salaire direct et du salaire indirect. Le salaire issu de chaque emploi, avec une multitude d'employeurs, et un salaire indirect issu de l'assurance chômage. Cette articulation, elle peut se faire très largement en faveur du salaire socialisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare que des intermittents aient 50%, voire plus, de leur salaire qui proviennent de l'assurance chômage. Par ailleurs, on n'est pas, parce que parfois on entend ça, on n'est pas dans un modèle comme à l'université où, en gros, on a des précaires qui aspirent à devenir des stables. On est sur un marché du travail où, enfin, il y a plusieurs marchés du travail, mais enfin, en tout cas, sur beaucoup d'entre eux, on est précaire tout le temps. C'est-à-dire que le but d'un comédien, par exemple, si je prends juste le cas des comédiens, c'est pas de rentrer absolument à la Comédie Française, qui est à peu près le seul théâtre qui propose de l'emploi stable. Donc un comédien, a priori, s'il veut rester comédien toute sa vie, il sait qu'il va rester intermittent toute sa vie, du début jusqu'à la fin. À moins de changer de métier, il restera intermittent. C'est pas tout à fait la même chose chez les danseurs, mais enfin, globalement, c'est ça l'idée. Et donc, est-ce que ce modèle des intermittents nous permet peut être considéré comme un modèle? Alors peut-être, la meilleure chose, c'est de commencer par ce qu'on reproche à ce régime. Alors, c'est souvent effectivement le MEDEF, la CFDT, certains sociologues, qui d'abord considèrent que le vice originel de ce régime, c'est la question du déficit. J'essaie de dire une chose très simple. Les intermittents mettent 350 millions de cotisations, ou leurs employeurs mettent 350 millions de cotisations, et ils en dépensent en allocation 1 milliard de plus, 1 milliard d'euros de plus. Donc on a un déficit, c'est scandaleux, on ne peut pas se permettre une telle gabegie. Alors c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que évidemment, les gens qui développent cette thèse que vous trouvez dans tous les journaux en permanence depuis 20 ans, oublient un détail, c'est que la caisse des intermittents n'existe pas. Et que, par conséquent, le déficit des intermittents n'existe pas non plus. C'est pas juste une question de mots, c'est une question de réalité. Et la seule réalité qui existe, c'est la caisse d'assurance chômage. Et la caisse d'assurance chômage est gérée pour équilibrer l'ensemble de cette caisse. Donc si vous découpez une caisse qui est équilibrée en petits bouts, fatalement, vous allez avoir des déséquilibres. Vous n'auriez pas ces déséquilibres si, effectivement, il y avait plusieurs caisses. Mais il n'y a pas plusieurs caisses, il n'y a qu'une seule caisse qui doit être équilibrée à l'échelle globale. C'est exactement comme si vous disiez, je ne sais pas, dans le cadre de l'assurance maladie, que finalement, la caisse des congés maternité est déficitaire. Parce que les femmes enceintes reçoivent beaucoup plus qu'elles ne cotisent. Ah oui, forcément, parce qu'on fait payer, toutes les femmes et aussi tous les hommes, et que du coup, bah, fatalement, les femmes enceintes touchent beaucoup plus qu'elles ne cotisent sur ce risque qui est la maternité. Et on peut faire ça à peu près avec n'importe quoi. C'est-à-dire les malades qui, évidemment, coûtent très cher par rapport aux autres, etc. L'équilibre de l'assurance chômage, il est très simple, c'est que vous avez 12 milliards d'euros d'excédent sur les CDI. Donc vous avez des gens, tout simplement, qui cotisent toute l'année, dont les employeurs cotisent toute l'année, et qui ne sont au chômage, ne sont jamais au chômage dans l'année. Donc ils ont cotisé pour rien. C'est le principe, ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, mais c'est le principe même d'une assurance. Parce que même une assurance privée fonctionne sur ce modèle-là. Vous n'avez pas d'accident avec votre voiture, ben vous avez payé toute l'année votre cotisation pour rien. Bon, et ben c'est exactement le même système sur les intermittents, et donc, fatalement, c'est la sécurité, la solidarité interprofessionnelle qui finance ces allocations, et donc, fatalement, on a un déficit. Alors, il y a une autre question, évidemment, qui se pose derrière, et qui est mise en avant par ceux qui ont des reproches à faire à ce régime, c'est la question de la légitimité. C'est-à-dire, peut-on vivre toute sa vie de quelque chose qui est identifié à de l'argent public, qui est identifié à quelque chose de socialisé, en tout cas qui n'a pas la légitimité qu'on prête au marché. Le marché, personne ne va questionner le fait que votre salaire soit ce qu'il est, etc. En revanche, dès lors qu'on passe par une technique de socialisation, alors il y a un soupçon. Il y a un soupçon d'illégitimité. Et alors, c'est quelque chose qui est très drôle parce que j'ai constaté sur un autre sujet qui est assez... qui permet de trancher, de mettre en lumière ce soupçon, c'est les congés. Les congés, a priori, les congés payés, ils sont payés en grande généralité par chacun par son employeur. Et personne ne considère qu'il y a quelque chose d'illégitime à ça, parce que ça fait partie du salaire que votre employeur vous verse à vous, salarié. Ça fait partie du salaire, et donc c'est légitime. Chez les intermittents du spectacle, c'est un peu plus compliqué, et ça a été compliqué depuis 36, depuis qu'on a inventé les congés payés, c'est qu'ils ont une multitude d'employeurs, et que donc il a fallu passer par une autre technique, une technique de socialisation, pour leur donner 15 jours de congés payés en 1936. Donc ça a mis 3 ans à faire, c'est la caisse des congés spectacle. Et on va mettre en commun, on va faire payer à chaque employeur une cotisation pour payer aux intermittents leurs jours de congé quand ils partiront en congé. Parce que techniquement, c'est la meilleure manière de faire. Et là, quand vous parlez à un économiste libéral de ce qu'il pense de la caisse des congés spectacle, il va dire c'est une taxe, c'est quelque chose qu'on un impôt, une cotisation, quelque chose qui est une charge pour les employeurs, alors que c'est exactement, mais strictement exactement, le même droit que pour les salariés à l'emploi continu, pour lequel on ne pose jamais cette question de la légitimité. D'un côté, c'est légitime, et de l'autre, c'est vécu comme quelque chose d'illégitime, comme une gabegie, parce que ça passe par un mécanisme de socialisation. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très fort, parce que finalement, on n'envisage pas de donner des droits à l'ensemble des salariés à l'emploi discontinu, très souvent en ce nom-là, c'est-à-dire nom de « il faut qu'il y ait un risque, il faut que... l'assurance chômage et un équilibre financier, etc., etc., et que ce serait idiot de donner un salaire indirect, non contrôlé, à des gens qui ne travaillent pas. En même temps, voilà, la question qui se pose, et là je ne suis pas tellement d'accord avec ce qu'a dit Bernard précédemment, c'est que on a de plus en plus de... une généralisation de cette flexibilité, qu'on peut imaginer des droits au-delà de l'emploi pour ces salariés à l'emploi discontinu, qui de fait ne peuvent pas passer par un CDI parce que leur travail lui-même est discontinu. Et que cette discontinuité du travail, au-delà même de la discontinuité de l'emploi, elle est quand même assez difficilement... on peut difficilement en faire objection. Pensez aux saisonniers. On ne va pas demander à la station de ski de payer toute l'année en CDI des saisonniers à regarder des stations sans neige. On va pas les intermittents, les artistes du spectacle, finalement, effectivement, ne sont là directement productifs, c'est-à-dire créer de la valeur pour un public que devant le spectateur. Donc c'est quand même cette idée qu'ils créent quelque chose au moment T, devant un endroit précis, etc. Et donc on a de plus en plus de modèles productifs dans lesquels finalement le but, ce n'est pas de produire de manière arithmétique toute la journée des choses qui s'additionnent les unes aux autres, mais c'est d'être là, au bon endroit, au bon moment. Et donc, on voit mal comment le jeu des employeurs, c'est précisément de dire on va payer qu'au moment où la personne est strictement utile. La première alternative, c'est de dire, effectivement, il faut empêcher les employeurs de faire ça, dire, il faut leur faire payer des CDI toute l'année. La deuxième alternative, c'est de dire, bon, effectivement, on va socialiser en partie cette chose-là pour dire que, effectivement, des intérimaires, c'est très utile, des vacataires dans les universités, c'est très utile. Pourquoi faut-il que ces personnes qui sont les plus, qui ont l'emploi le plus discontinu soient les plus précaires et n'aient pas des droits sensiblement égaux à ceux qui sont dans l'emploi stable, au nom du fait qu'ils n'appartiennent pas à l'organisation, qu'ils n'ont pas un CDI, etc. La question, c'est que finalement, ces travailleurs-là sont souvent les plus utiles, parce qu'ils interviennent au bon endroit, au bon moment, et c'est en même temps, dans le système de l'emploi, les plus déconsidérés, ceux à qui on donne les miettes, alors qu'on pourrait justement faire en sorte, pour allouer de manière la plus rationnelle possible la main-d'œuvre, de leur donner des vrais droits. Des vrais droits toute l'année pour pouvoir intervenir ponctuellement. Et c'est ce qui se passe avec les intermittents. Alors je termine en disant deux choses sur les intermittents. La première chose, c'est que le fait que, de bénéficier d'une ressource qui est alternative à l'emploi, c'est-à-dire d'un revenu qui ne passe pas directement de l'employeur au salarié, mais de l'ensemble des employeurs à des salariés, et donc qui court-circuite la relation salariale, qui court-circuite la relation entre un employeur et un salarié, a une force émancipatrice assez importante. Alors, même si on peut discuter de cette affaire-là en disant que l'assurance chômage peut être aussi l'instrument, un instrument patronal pour activer les chômeurs, pour essayer d'orienter les conduites des chômeurs dans ce sens-là, malgré tout, il ne faut pas oublier que la défense syndicale du principe même de l'assurance chômage, dès le départ, c'est pas de dire il faut être sympathique avec les chômeurs, etc. C'est de dire il faut lutter contre l'armée de réserve. Il faut éviter d'avoir une armée de réserve de travailleurs prêts à travailler à n'importe quel prix et donc à peser sur les salaires, sur les conditions de travail de ceux qui sont dans l'emploi, de ceux qui sont directement intégrés. Donc la question, c'est aussi de solidariser tous ces travailleurs pour garder ce qu'on pourrait appeler un pouvoir dans la relation salariale. Alors non seulement pour ce que je viens de dire, pour ceux qui sont dans l'emploi, qui veulent diminuer la menace, l'épée de Damoclès, qui est le chômage par rapport dans leur relation avec leur employeur, qui est en permanence dans ce chantage-là, de dire si vous n'acceptez pas telle et telle condition, ce sera la porte, ce sera le chômage, ce sera la précarité, etc. Donc effectivement, si à la porte de l'entreprise, il n'y a plus le chômage, il n'y a plus la précarité, du coup, l'argument de l'employeur tombe un peu à l'eau. Et malgré tout, c'est une manière de consolider, et ça on l'observe bien chez les intermittents les plus sûrs, c'est-à-dire ceux qui font leurs 507 heures de manière assez confortable, qui ne sont pas dans le cachetonnage pour arriver à ces 507 heures, mais ça leur donne la capacité de faire des choix, politiques, des choix artistiques, des choix sur le produit. C'est-à-dire, je ne veux pas aller travailler à Euro Disney. Si je peux m'épargner ça, je ne le fais pas. Inversement, si je suis obligé d'aller au Disney, je vais le faire. S'il faut cachetonner pour absolument avoir des heures, je vais le faire. Mais à partir du moment où j'ai une certaine certitude sur le fait que j'ai un revenu global qui m'est assuré et que ce revenu global ne passe pas par des employeurs, je suis en capacité non seulement de faire des choix par rapport aux employeurs qui me disent on va faire ci, on va faire ça. Je peux dire merde, en gros, pour le dire simplement, à mon employeur. Ça me renforce dans la relation salariale pour dire que constituer une forme de contre-pouvoir sur la définition des produits, de contre-pouvoir salarial sur la définition des produits, sur la définition des voies et moyens, des moyens pour produire, et qui est celle des salariés. Donc on a un système, pour aller très vite, qui, dans des intermittents de spectacle, qui d'une certaine manière constitue une forme de socialisme libertaire, ou d'incarnation institutionnelle d'un socialisme libertaire dans lequel, au fond, les salariés ont un revenu qui échappe à la relation salariale, du moins à la relation salariale locale d'un employeur vis-à-vis d'un salarié. Et ça leur donne des forces extrêmement importantes. Il suffit de comparer, je donne une anecdote, j'ai pu observer des jeunes gens qui, dans l'association créée, dont le... le président n'était que leur grand-mère ou je ne sais pas quoi, donc une association qui était en fait une structure juridique ad hoc pour faire de la fiche de paye, eh ben, il créait des Pasolini avec 8 personnes sur le plateau. Donc quelque chose qui économiquement n'est pas forcément hyper rentable. Et vous comparez ça avec la situation du spectacle vivant aux États-Unis, par exemple, où on fait, je ne parle pas de ce qui est subventionné, de ce qui est commercial, on est obligé de faire de la comédie musicale pour plaire au goût du public immédiatement et pour financer finalement les salaires en produisant quelque chose qui n'est pas forcément considéré comme la dernière des merveilles par les salariés. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un rapport de force qui se joue dans la définition de ce qui doit être produit entre les consommateurs, entre le public et les salariés. Et les salariés qui ne sont pas que dans la marchandisation, ne sont pas que dans la logique de soumission au marché. Dernier point, est-ce que le mouvement des intermittents peut être un modèle politiquement ? Là, il me semble qu'on a une question qui est extrêmement importante, à deux points de vue. Alors d'abord, parce que c'est un mouvement qui est en train de... Enfin, on verra ça dans une semaine, mais qui est quand même en train de gagner des droits, et que c'est quand même quelque chose qui n'est pas très courant par les temps qui courent. Donc alors ils ont du mal, certains ont beaucoup de mal à comprendre qu'il est possible de gagner. Donc il y a un scepticisme dans le contexte actuel qui consiste à dire mais non, on nous balade, etc. Mais bon, on verra dans une semaine ce qu'il en est. Mais on a donc un mouvement extrêmement efficace qui est capable, un mouvement de chômeurs, qui effectivement, comparé aux autres mouvements de chômeurs, a une force politique qui est extraordinaire. Donc même si les mouvements de chômeurs ont eu des hauts et des bas, là on a quelque chose, on a des gens qui sont capables de remplir un théâtre comme ça, d'avoir 1200 personnes qui manifestent et d'entretenir un rapport de force extrêmement important, du fait notamment du précédent de 2003, d'annulation du Festival d'Avignon, qui est une menace terrible pour l'ensemble des responsables politiques. C'est-à-dire que vous dites Festival d'Avignon au Sénat ou à l'Assemblée nationale, vous voyez les jambes trembler. Vous voyez le sénateur du Vaucluse qui est prêt à vous étrangler, à prononcer ces mots. Donc là, on a quelque chose qui est extrêmement fort et qui, malgré tout, et je termine là-dessus, est un mouvement de salariés. Et qui est un mouvement qui s'intègre dans des institutions salariales, c'est-à-dire qu'ils ne manifestent pas pour le revenu de base et ils ne sont pas dans un rapport social auquel conduirait la revendication d'un revenu de base, qui serait quelque chose de très simple. Ce serait des ayants droit du revenu de base versus des contribuables mécontents, votant FN, ayant le ras-le-bol fiscal, ayant... Donc c'est ce rapport-là social qu'on entretient quand on veut un revenu financé par l'impôt. Non, là, on est dans un rapport social qui est un rapport salarial, qui n'est pas le rapport salarial direct d'un employeur avec un salarié, mais qui est le salariat à l'échelle interprofessionnelle, professionnelle et interprofessionnelle, où un ensemble de salariés, une frange du salariat, en solidarité avec l'ensemble des autres salariés, se bat contre le MEDEF, c'est-à-dire des représentants de l'ensemble des employeurs du privé. Quelque chose qui entend représenter les employeurs à l'échelle nationale. Et donc on est toujours dans ce rapport de force qui est un rapport de force salarial et qui a une efficacité redoutable. Parce que finalement, depuis 20 ans, les intermittents parviennent dans ce combat, très concrètement, à maintenir des droits. Aujourd'hui, ils vont être, on l'espère, en mesure d'améliorer ces droits, de revenir à un système tel qu'il était avant 2003, de revenir sur la crise de 2003 et d'améliorer, même par rapport à 2003, le système, du moins de leur point de vue. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement fort. Et je termine là-dessus. Leur hantise, finalement, et vous avez vu une tribune qui a pu paraître surprenante dans l'IB la semaine dernière de personnalité du spectacle, qui disait « Nous sommes contre la générosité de l'État. Nous ne voulons pas la participation de l'État à notre système d'assurance chômage. » Et c'est là où on voit l'attachement des intermittents au modèle salarial, à ce rapport salarial à l'échelle interprofessionnelle. Parce que pour eux, si le gouvernement, demain, met 100 millions d'euros pour financer leur régime, ça signifie qu'après-demain, en 2017, en mai 2017, ces 100 millions d'euros peuvent s'évaporer aussi sec. Et qu'ils préfèrent parier sur la relation salariale, sur le rapport de force avec le MEDEF, avec des droits qui sont sans cesse contestés tous les 2 ans à l'assurance chômage, que de parier sur Juppé ou Sarkozy. J'aurais deux questions à poser. La première concerne le chapitre. En d'autres termes, comment rendre compte de ce moment de grâce où employeurs et salariés arrivent à un accord? Je crois que ce serait très important de nous expliquer le processus, la dynamique qui conduit à cela, parce qu'après tout, il y a d'autres précédents historiques, j'en évoquerai certainement deux, un qui est bien connu, c'est la presse de labeur. Il s'est passé pendant longtemps entre patrons de presse, ouvriers du livre, les messageries et les journalistes, des accords de longue durée, très solides, qui étaient totalement indépendants de l'État, sinon bien sûr la convention collective de l'État étendue, mais qui est au fond d'une nature un petit peu semblable à celle que vous évoquez. Et il y en a un autre moins connu, qui est ce qui s'est passé avec les vins de champagne au lendemain de la guerre, au lendemain de la libération, avec des accords durables entre les gros fabricants, les négociants donc, les vignerons, les ouvriers des négociants, et c'était des accords stables qui ont duré très longtemps. Et après tout, ce qu'ils ont conquis grâce aux experts dont vous faisiez partie, c'est peut-être ces régimes d'accords locaux qui peuvent être une grande solidité si on ne vient pas les détruire. Ma question, c'est comment vous décririez ce processus d'accord et comment vous rendez compte du fait que d'autres instances à une échelle nationale veuillent absolument les fichiers. Ça, c'était ma première question. J'en ai une deuxième, parce que ça concerne les sociologues de l'École des hautes études, peut-être aussi du Collège de France. Qu'est-ce que racontent les sociologues pour construire un accord contre vous, contre cette splendide solution qui s'élabore au sein même de la France? En d'autres termes, quel est le langage sociologique qui justifie, disons, en gros, les positions du MEDEF et de la CFDT? J'aimerais avoir un petit peu, connaître un petit peu sa substance. Parce que le sociologue auquel nous pensons, c'est pas tellement en termes de déficit qu'il pense, pas en termes de concept. Quels sont ces concepts? Je crois que c'est deux fois un peu la même question, en réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le chapitre? Alors, donc, pour rappeler un peu l'affaire, c'est une affaire qui est en fait très ambiguë et dans laquelle l'État joue un rôle ambigu et la loi Rebsamen en particulier joue un rôle, à mon avis, ambigu. Donc, vous mettez le doigt sur, au fond, ce qui ne va pas, enfin, à la fois ce qui ne va pas dans le dispositif et à la fois ce qui rend possible un accord aujourd'hui. Ce que rend possible la loi Rebsamen, enfin le constat duquel ils sont partis, c'est qu'au niveau interprofessionnel, à chaque fois qu'on faisait des négociations, tous les 2 ans, 3 ans, bah, vous aviez le MEDEF et la CFDT, alors à l'échelle confédérale, pas à l'échelle fédérale, pas ceux qui connaissent, pas la fédération culture de la CFDT, mais des gens qui connaissent absolument rien et qui n'ont lu qu'un livre sur les intermittents, finalement, considèrent... Pas le tien. Pas le mien, mais considère qu'on a un système qui est une gabegie parce qu'on a une collusion entre, c'est ça l'essentiel de l'appareillage théorique, c'est l'idée qu'il y a une collusion d'intérêts entre les salariés et les employeurs autour de ce système. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que raconte Michel Menger, les employeurs ont tout intérêt à ce système qui les subventionne indirectement. Donc il ne prend pas du tout en considération ce que j'ai fait tout à l'heure, le fait de dire qu'une subvention à un employeur, ce n'est pas exactement la même chose qu'un salaire indirect qui va directement aux salariés, et qu'en termes de pouvoir, on est quand même dans quelque chose qui est assez différent. Lui, il considère que finalement, donner de l'argent aux salariés, c'est indirectement donner de l'argent aux employeurs, et que de ce fait-là, ça se traduit par une collusion à l'échelle professionnelle entre les syndicats patronaux et les syndicats salariés à l'échelle de la profession. Bon. Donc ça, c'était la situation, effectivement, avant la loi Rebsamen. Et la loi Rebsamen a institué quelque chose d'assez particulier. C'est que la loi Rebsamen a dit, bon, on va faire un système de subsidiarité, c'est-à-dire que le MEDEF et la CFDT à l'échelle confédérale, à l'échelle interprofessionnelle, vont décider d'un cadrage financier dans lequel on va laisser négocier la profession. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le MEDEF a dit, enfin le MEDEF et la CFDT, surtout la CFDT d'ailleurs, ont dit, on va demander 105 millions d'économies à ce régime particulier des intermittents du spectacle. Ils vont devoir faire 105 millions d'économies. Et puis comme il y avait la loi El Khomri, effectivement la politique, ce n'est pas une dissertation, qu'il y avait d'autres rapports de force par ailleurs, ils ont rajouté une couche, ils ont rajouté 80 millions, en disant que l'État va devoir aussi payer 80 millions, puisqu'après tout, tout ça, c'est de la politique culturelle, ce ne sont pas des droits des chômeurs, donc ce qui revient encore à notre sociologue qui tient ce discours-là, et que donc, ma foi, il faut que l'État soit lui-même cadré et fasse un chèque de 80 millions supplémentaires. Donc on en était là au mois de février. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. L'accord a été trouvé en dessous des 105 millions. Les 80 millions, l'État dit à CFDT, au MEDEF qui peuvent toujours rêver. En gros, c'est ce qui est en train de se jouer. Et voilà comment on arrive à un accord. Mais là où c'est compliqué, c'est qu'effectivement, les lignes... sont compliquées au niveau même des syndicats. La CFDT, la Fédération signe, la Confédération dénonce. FO, les deux vont dans le même sens. La CGT, évidemment, les deux vont dans le même sens. Et la CGC et CFTC aussi sont en porte-à-faux avec leur fédération. Donc voilà, on a un système dans lequel, finalement, ce qui est paradoxal, c'est que c'est... en partie une sortie de la solidarité interprofessionnelle, en partie une sortie de cette régulation à l'échelle de tout le salariat, qui permet un accord progressiste, mais qui en même temps laisse peser la menace d'une sortie des intermittents, c'est-à-dire une logique de divergence dans laquelle, au bout du compte, c'est pour ça que bon, politiquement c'est compliqué d'en parler, c'est que la prochaine étape, la CFDT et le MEDEF vont dire bah, « écoutez, vous avez... un financement particulier, puisque le taux de cotisation est supérieur, vous avez des gens pour négocier, créez une caisse. » Et le jour où on crée une caisse, on sort précisément de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que, pour le coup, là, on va gérer un déficit, on va devoir équilibrer une caisse à l'échelle d'une solidarité entre chômeurs, entre intermittents. Et c'est ça, d'une certaine manière, la fin du raisonnement de Pierre-Michel Menger, de la CFDT et du MEDEF, c'est-à-dire allons vers cette solidarité partielle des précaires avec les précaires. Le reste de la société, le reste des salariés et des employeurs n'ont rien à voir avec ça. Peut-être pas la bonne micro. Moi, je suis venu tous les jours. Déjà, on parle peut-être se retrouver tous à être des intermittents, puisqu'on nous dit qu'on fera plein de métiers dans notre vie, qu'on les fera pas en continu, nanana. Donc, ça ressemble à quelque chose de potentiellement jouable au niveau économique, politique. Moi, je crois pas du tout au tous intermittents. C'est-à-dire que ça, c'était plutôt, enfin, ça a été un discours qui a été fait notamment pour discréditer l'idée d'un élargissement de ce régime intermittent à d'autres que les intermittents du spectacle, en disant, bah, si tout le monde est intermittent, c'est pas viable, etc., etc. Bon, la logique, c'est pas de dire tous intermittents. Encore une fois, ce qui permet à l'assurance chômage de fonctionner, mais ce qui permet à l'assurance maladie de fonctionner, etc., c'est le fait d'avoir une solidarité large avec des gens qui sont dans des situations extrêmement diverses en termes de contrats. Et que donc, du coup, si vous voulez élargir les droits sur le modèle des intermittents pour, je ne sais pas, les 1,8 million de personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, de passer de 100 000 à 1 800 000, bah la seule chose à faire, la seule chose possible, vraiment possible, c'est d'augmenter le taux de cotisation de tous et donc d'avoir une base sur l'autre segment du marché du travail extrêmement solide et sur laquelle on accentue le taux de cotisation. C'est-à-dire on accentue la solidarité en général. Il faut que ces salariés les plus flexibles, qui doivent être qu'une frange du salariat, soit d'une certaine manière bénéficie d'un salaire socialisé à l'échelle de l'ensemble du salariat. Le problème que vous posez derrière, et c'est le problème que pose tout le temps, enfin que pose la plupart des gens quand on parle des intermittents, c'est le problème de la frontière entre les intermittents et les permanents. De dire à un moment donné, c'est bon, il ne faut pas qu'il y ait trop d'intermittents, il ne faut pas qu'il y ait trop de précaires, parce que sans quoi tout le monde va devenir précaire. On ouvre la boîte de Pandore, etc., etc. Et c'est au nom de ça qu'on ne parle même pas des droits des salariés. Au table de concertation dont j'ai parlé en 2014 sur les intermittents venaient pour parler de leurs droits, venaient pour parler de leurs droits au chômage, pour parler des 507 heures en 12 mois, etc. Et on leur répondait, permittence, comment on va créer des CDI, comment on va... Les intermittents qui vont rester intermittents toute leur vie, ils n'ont rien contre le fait qu'on mette des gens en CDI, des permittents de Radio France en CDI, ce n'est pas leur problème, ils veulent bien. Mais c'est quand même passé sérieusement à côté du sujet majeur, qui est de dire qu'on a des personnes qui durablement sont dans le paysage et qui sont dans l'emploi discontinu. Et donc on évite ce sujet en parlant en permanence de la question de la frontière entre d'un côté l'emploi discontinu et de l'autre l'emploi continu, comme si c'était la seule question. Il me semble que c'est une question qui est importante, mais que ne traiter que celle-là, ce que tout le monde fait, c'est extrêmement dommageable pour les salariés en emploi discontinu, dont on ne parle jamais. Personne, vous prenez vraiment, encore une fois, tous les programmes politiques pour des élections majeures, vous ne voyez rien là-dessus. Ça emmerde tout le monde de parler des droits à un revenu pour les chômeurs, etc. Juste un point sur le financement, parce qu'évidemment, la question qui est derrière, c'est est-ce que tout ça, c'est pas une utopie? Est-ce que tout ça, c'est finançable, etc. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite, mais j'ai quand même quelques ordres de grandeur à vous donner. L'assurance chômage, c'est 32 milliards d'euros. OK, les retraites, c'est 300 milliards d'euros. L'assurance maladie, c'est 250 milliards d'euros. La famille, maternité, c'est 50 milliards d'euros. Donc, si vous prenez l'ensemble de la protection sociale, enfin des prestations sociales, on est dans de l'ordre de 10 milliards d'euros, à comparer aux 30 milliards d'euros de l'UNEDIC. Alors que le chômage est supposé être le problème numéro un de ce pays. Donc, je ne dis pas qu'il faut prendre aux retraités, aux malades pour machin, mais enfin, vous voyez quand même que c'est assez significatif du fait qu'on n'est pas dans une question économique, on est aussi dans une logique de maintien d'une précarité, parce qu'il ne faudrait pas entraver le bon fonctionnement du marché du travail. Il ne faudrait pas entraver le dumping social, la pression sur les salaires, etc., etc. Donc on est vraiment, à mon sens, dans une logique quand même très politique de maintien d'un niveau bas d'indemnisation des chômeurs. Sachant qu'il n'y en a que la moitié qui sont indemnisés. Enfin, les taux de couverture, c'est une histoire compliquée. Mais oui, enfin voilà, c'est une histoire compliquée parce que les associations de chômeurs disent 40, l'UNEDIC dit 60. Enfin, mais en gros, on a quand même, pour le dire de manière très grossière, la moitié des chômeurs qui ne bénéficient pas d'indemnisation. Version association de chômeurs. J'ai une question sur la précarité, parce que finalement, il n'y a pas que dans les intermittents du spectacle. Dans le spectacle, il y a une histoire de précarité. On voit bien dans la recherche, dans l'enseignement supérieur, il y a une précarisation générale du travail qui est en train de se passer. Il faut appuyer sur ce truc-là. On entend, vous entend, vous entend. On entend. Ça marche mieux ? Non, mais on entend. On parle fort. Même si ça marche. Donc par rapport à cette histoire de précarité, si on sort de schéma théorique, moi je veux bien dire qu'un boulot, on peut collectivement préférer d'être précaire plutôt que d'avoir un statut. C'est en gros ce que vous nous expliquez. Ah, mais je vais répondre. Ça s'est fait un peu par hasard, peut-être, mais maintenant les intermittents défendent ce statut de précaire. Alors, les droits. Précaire avec des droits. Mais précaire avec des droits, oui, il n'est pas question. On n'a pas les vacataires d'université, hein. Mais les précaires d'université, après, on peut leur donner des droits. Mais je ne suis pas sûre que je sois pour la précarisation de la du travail à l'université. Parce que c'est un travail pérenne. C'est pas, je veux dire, le spectacle, je veux dire, que vous montez le Roi Lear. Le Roi Lear, vous allez le donner pendant 3 mois. Après, ça s'arrête parce que tout le monde ne va pas aller. Je veux dire, au bout d'un moment, le Roi Lear, tout le monde en a marre si on l'a vu 10 fois. Même le Roi Lear. Enseigner, par contre, c'est un boulot pérenne. certes, tous les ans, il y aura d'autres gens à qui enseigner, parce que il y a renouvelé. Bon, alors vous allez me dire, pour le droit de lire, c'est pareil, il y aura des nouveaux spectateurs tous les ans. Bon. Même pour la cantatrice. Peut-être que dans une certaine mesure, il y a des boulots d'intermittents du spectacle, d'ailleurs, qui pourraient être plus pérennes, comme il y a des boulots dans l'enseignement et la recherche qui sont à l'heure actuelle totalement précarisés et qui pourtant sont des boulots pérennes. Et je pense qu'on ne peut pas parler de tous ces trucs-là qu'en fonction du coût social, d'une assurance chômage. Et de ces trucs-là, il y a une idée de la société qui est derrière qui n'a rien à voir. Je veux dire, c'est comme... Enfin, pour revenir à la question sur l'orateur précédent, là, la question du salaire général... Enfin, du salaire... Socialisé. Moi, j'ai rien contre. Dans une idée d'une société idéale, qui serait plus du tout une société capitaliste, ça me paraît un très bon choix. Mais je ne vois pas comment, sans révolution politique, on peut appliquer le système. Ça ne me paraît pas une revendication syndicale crédible dans un système capitaliste, sans changement politique. Et j'ai des problèmes avec ça. C'est-à-dire que je conçois qu'on se batte pour un salaire socialisé. Je conçois qu'on se batte localement pour avoir des droits de précaire et qu'on préfère un statut de précaire à un statut de statutaire. Mais il faut être conscient qu'en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose comme ça, ça a une influence sur le reste de la société et que c'est pas neutre. Alors moi je ne conçois pas le salaire socialisé dans une société capitaliste et je ne conçois pas le travail précarisé dans cette société capitaliste. Et donc voilà, j'arrive pas à comprendre. Je peux répondre sur l'enseignement supérieur. C'est assez d'abord un constat. J'ai pris une délégation. Donc je suis titulaire de l'enseignement supérieur. Je prends une délégation de 6 mois à l'occasion de ces tables de négociation. C'était pas très compliqué. Il a fallu dire à mon conseil d'administration, le Premier ministre souhaiterait que... Bam, bam, bam. Ok, très bien. Délégation au centre d'études de l'emploi. Le centre d'études de l'emploi a payé quelque chose comme 5000 euros pour que mon université embauche des vacataires pour me remplacer. Donc le titulaire est tranquille, il part en délégation. De toute façon, la moitié de son service, ça représente 4000 euros. Et donc on peut payer un vacataire, comme ça, pour faire le service à sa place. Donc là, on voit quand même déjà qu'il y a... Enfin, la première réponse, c'est qu'il y a un tout petit... Il y a quelque chose qui est hallucinant, c'est-à-dire que le privilège du titulaire de pouvoir partir en délégation se paye immédiatement et de manière systémique par le recours à des précaires qu'on paye 40 euros de l'heure. Bon. Donc je pense qu'on est d'accord pour considérer que ce système a quelque chose d'un peu fou. Donc il y a 3 solutions. Il y a 3 directions stratégiques pour les précaires de l'enseignement supérieur. La première, c'est de dire on veut de l'emploi. De l'emploi permanent, ce que vous avez, ce qui est votre position, c'est-à-dire aller vers, il y a du travail pour toute l'année, il faut réduire la précarité, c'est bien ce que vous avez dit. Bon, première solution. En même temps, du coup, la question c'est, est-ce qu'on garde la vacation à 40 euros de l'heure? Est-ce qu'on laisse tous ceux qui, pour l'instant, parce qu'on peut imaginer des promesses de résorption de la précarité dans l'enseignement supérieur, etc. Mais en attendant, il se passe quoi avec les précaires, avec ceux qui vont gagner 4000 euros pour faire la moitié de mon service pour 6 mois de travail. À un moment donné, la question se pose. Donc l'autre solution, c'est de dire il faut d'abord songer aux droits des précaires. Ils sont nombreux, ils sont extrêmement nombreux. Pourquoi ne pas les payer le double, triple, je ne sais pas, est-ce que c'est normal? Il y a des pays au Canada où la vacation, 40 euros de l'heure, c'est quelque chose qui est aberrant, qui est complètement débile, quoi. Personne ne voudrait. En France, il y a malgré tout cet attrait pour la titularisation qui fait qu'on accepte ces conditions à la con. Mais on pourrait imaginer un salaire socialisé pour ces précaires, un salaire direct digne de ce nom pour faire en sorte qu'une vie de quelqu'un qui est dans l'emploi discontinu dans l'enseignement supérieur, en donnant des vacations à droite, des vacations à gauche, etc., bah, puisse avoir un salaire décent, comparable à celui d'un maître de conférence. Si on était dans cette situation-là, c'est-à-dire si quelqu'un qui était dans l'emploi discontinu, qui allait d'une université à l'autre, de la HESS à Nanterre, de je ne sais pas où à je ne sais pas où, et qui gagnait à la fin d'année pour 192 heures, qui gagnait de services d'enseignement, qui gagnait un salaire digne de sa qualification. Ah, peut-être qu'il aspirerait moins à un statut de titulaire. C'est la question qui est posée. La troisième possibilité, qui est mon option, je suis désolé d'être un peu consensuel, mais c'est de faire les deux. C'est-à-dire que l'un ne justifie pas l'autre. C'est-à-dire que le fait de justifier au nom de la lutte pour l'emploi permanent, de dire qu'on ne doit pas parler des droits des précaires, ça me paraît pas tolérable. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de dire qu'il faut les deux. Il faut absolument lutter d'abord pour que les salariés d'emploi discontinu aient un salaire de non, qui ne gagnent pas 4000 euros en 6 mois, et que en même temps, il y ait un plan de stabilisation de l'emploi. Ces choses-là ne sont pas incompatibles. Mais en fait, la question, ce n'est pas de se battre sur l'emploi permanent pour l'emploi permanent, parce que c'est un principe. C'est que c'est pas la même. Vous savez, quand vous êtes fonctionnaire et que vous avez un poste permanent, vous étiez théoriquement plus libre de vos recherches, moins sous pression de plaire au patron d'université qui est en train de se privatiser, et que c'est des histoires de liberté de pensée et de liberté du travail, et donc de capacité à enfreindre un peu les règles en ce moment. Je veux dire, aujourd'hui, avec la privatisation universitaire qui est en train de se passer, s'il n'y a que des vacataires, il n'y a que des gens qui plaisent, qui vont être c'est une calamité au niveau de la liberté de penser. Je pense qu'on est d'accord, c'est-à-dire que la précarité sans droit... Mais c'est même pas qu'une histoire de droit là-dedans. C'est une histoire qu'il y avait derrière un statut de fonctionnaire conçu comme le statut d'enseignant-chercheur, qui vous laissait libre, que personne n'est capable de vous juger de votre travail, et que donc vous êtes qui donne de la liberté, et que c'est ça dont il est question aujourd'hui. C'est pas qu'une histoire de droit, c'est pas une histoire de droit commun, etc. C'est et d'être payé. C'est vraiment la comment penser. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Après, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Bon, on arrive à contraindre les gens, même avec le statut de fonctionnaire. Donc, ça ne suffit pas, mais... Évidemment. La question, après, c'est juste une question de... Et c'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas parler exactement au même niveau que Bernard. C'est-à-dire, la question, c'est la question stratégique ici et maintenant. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut dire titularisons tout le monde? Ou est-ce qu'il faut dire, commençons par mettre la vacation à 60 euros. C'est des options stratégiques qui sont un peu différentes. Est-ce que je peux dire une chose? Moi, j'ai été toute ma vie contractuelle du ministère de l'Équipement, d'accord, rentrer sur le marché du travail juste après mes 68, avec un très bon salaire. Tous mes amis faisant le même boulot que moi au ministère de l'Équipement dans la recherche, rentrant après, on les foutait sous des contrats de 46, ils étaient payés deux fois moins de soins. On s'est battu en vain pour que nous restions contractuels, mais tous avec le meilleur salaire qui m'était par exemple à moi attribué avec un statut 68 et qui était refusé à mes collègues qui étaient embauchés quelques années après. Alors, monsieur Le Pors, il a dit, comme vous, c'est très mauvais la précarité, on va titulariser. Résultat, ministre communiste. Ah, ça a l'air très bien, on va titulariser tout le monde. Sauf que depuis, les contrats, vous le savez mieux que moi, les contrats CDD, ne peuvent plus être renouvelés. Enfin, il n'y a plus possibilité d'embaucher des contractuels en CDI dans les trois fonctions publiques, ce que moi j'étais jusqu'à ma retraite en 2005. Et parallèlement, moi je l'ai vécu, on a commencé par titulariser les D, ça a mis des mois, des années, on a passé au C. Les B, quand on est enfin arrivé à les titulariser, ils perdaient la moitié de leur salaire, ils étaient obligés de racheter leur retraite, ils s'appauvrissaient considérablement. Quand on est arrivé au A, bien sûr que j'ai refusé la titularisation. Donc pourquoi opposer les luttes? Vous avez un exemple avec les intermittents du spectacle, je ne vais pas être longue. Comme l'a dit Mathieu Grégoire, eh bien, vous avez un exemple d'une lutte collective qui sert à des moyens de pression que n'ont pas l'ensemble des chômeurs, parce qu'ils peuvent bloquer des festivals, et ça, évidemment, ça compte. Mais quand on arrive à bloquer l'économie et qu'on a un sens collectif de la lutte, ce qu'on ne peut pas dénier aux intermittents depuis des années,